Cet homme, surpris d'une coupure d'électricité, avise ses connaissances via son téléphone qu'il préfère regagner la campagne sans être servi faute d'électricité. Les propriétaires des bars et un salon de coiffure de leur côté ne voient à quel sens se vouer face à cette coupure. Ils indiquent qu'ils allaient faire recours aux groupes électrogènes en cas de manque d'électricité, mais le pétrole fait défaut. Pour ce propriétaire de bar, ils se lamentent qu'ils ne peuvent pas conserver ni de boissons ni de viande et les clients ne parviennent plus à tenir dans l'obscurité. Ces consommateurs d'électricité à mairie de Bujumbura déplorent de la division qui s'affiche lors de l'approvisionnement de l'électricité. Celui-ci déplore que, s'il arrive le cas de manque du courant électrique au centre-ville de la capitale, c'est le pire. Il ajoute qu'il est difficile d'allumer les groupes électrogènes pour sauver la situation. À tous ces propriétaires de bureaux consommateurs de l'électricité, demande à la régie des eaux de faire le tout possible pour alimenter le centre-ville, sinon il risque de connaître une paralysie des activités. Merci Placide. Et terminons ce journal en bref. Le prix de certains produits alimentaires de base importés de l'extérieur du pays a été baissé notamment pour le haricot et la farine du maïs. Et c'est à l'ancien marché de Bujumbura, communément appelé le grenier. Les marchandises disent que la hausse des prix du riz est due à la coupure du courant électrique qui se manifeste dans certains endroits de la ville de Bujumbura. Et c'est par ici que se termine ce journal. Permettez-moi de vous rappeler les titres. Le rendez-vous donné par la médiation dans le conflit burundais qu'un accord pourra sortir au mois de juin n'est pas réalisable. C'est du moins l'avis du président du Sénared qui indique que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant ne garantit pas un accord. Et pour lui, il faudrait une vraie confrontation entre les protagonistes. Une lumière doit être faite sur le dossier de l'honorable Nassan Oscar, disparu depuis plus d'un mois. C'est de monde et de son épouse qui indique que la famille a gardé le silence car ils étaient sous le choc de cet enlèvement. Une paralysie des activités liées à l'utilisation du courant est prévisible pour les consommateurs de l'électricité. Ils indiquent qu'ils peuvent passer toute une journée sans avoir eu du courant électrique. Le gouverneur de la province de Lumonge demande aux pêcheurs de la plage de Lumonge d'utiliser les 30 litres de carburant qui leur sont accordés et de ne pas demander plus de quantité au risque de paralyser les autres secteurs de vie de cette province. Merci pour votre attention. Merci également à Jean de Dieu Ndaï Senga pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Alida Ndaïkeza. Excellent après-midi à tous.